Conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, quelles sont les pièces de l'identité ? Nous avons naïvement tendance à croire que les organismes vivants sont composés d'entités stables qui, au jour de leur mort, se désagrègent et se dispersent. Cette image, on le sait désormais, est globalement fausse. Par exemple, les molécules organiques qui forment nos tissus quittent notre organisme dans une ronde incessante et sont remplacées par d'autres. La vitesse de ce renouvellement est très élevée, même dans des tissus comme l'os qui ont l'apparence la plus solide. Nos cellules sont constamment remises à neuf. Nos globules rouges ont une espérance de vie de 120 jours. Les cellules de nos alvéoles pulmonaires seront placées toutes les semaines. L'unité spatio-temporelle historique d'un être humain apparaît ainsi analogue à celle du bateau de Thésée, qui était perpétuellement réparé et dont les sophistes d'Athènes se demandaient, au fur et à mesure que les pièces en étaient modifiées ou remplacées, s'il s'agissait encore du même bateau. Le sentiment que nous avons tout au long de notre existence, de la pérennité de notre corps, correspond donc pour une grande part à une illusion. Mais alors, qu'est-ce qui fonde notre identité ? Qu'est-ce qui la maintient vivace au cours du temps ? Qu'est-ce qui fait que le moi est chaque fois lui-même ? Pour répondre à ces questions, j'aurais pu inviter un biologiste, mais en vertu d'une démarche qui n'est irrationnelle qu'en apparence, j'ai choisi d'inviter un philosophe. Bonjour Paul Audy. Bonjour Étienne Klein. On l'a deviné, vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages, vous travaillez sur les rapports entre l'esthétique et l'éthique, et vous vous intéressez de façon plus générale aux conditions qui permettent à l'être humain d'accéder à sa propre humanité. Est-ce que cette présentation vous convient ? Oui, elle me convient assez, parce qu'elle situe mon travail sur deux versants. Le versant qui essaye de s'intéresser à la création et aux raisons profondes de la création, et l'autre versant qui s'intéresse à la subjectivité humaine, les deux justement se retrouvant dans la définition de l'homme. Alors vous publiez ces jours-ci trois livres en même temps, c'est beaucoup, vous êtes très, très actif. L'un a directement trait à notre sujet, il s'intitule « Analyse du sentiment intérieur ». Oui. Vous essayez justement d'interroger cette question du « moi ». Le second s'intitule « Au sortir de l'enfance ». Et le troisième est un peu différent, il s'intéresse à la poésie. Et le titre en est « Et j'ai lu tous les livres, Mallarmé et Celan ». Ou Celan, comment vous dites ? Paul Celan. Peut-être qu'on y reviendra. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que si on devait trouver un titre général à votre œuvre, ce pourrait être « Le soi, sa vie et son œuvre ». C'est effectivement ce qui m'est apparu après coup, après avoir publié un certain nombre de travaux autour de la subjectivité. Je me suis dit que je pouvais peut-être réunir trois de mes livres sous ce titre général, « Le soi, sa vie, son œuvre », parce que la question que j'y pose est celle du soi. C'est une question d'ailleurs qui m'est venue de mes lectures de Nietzsche, et c'est pour ça que ce triptyque que je rassemble sous ce titre commence par un livre sur Nietzsche qui s'appelle « L'affaire Nietzsche » que j'avais publié il y a quelques années. Mais le soi et le moi, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, et ça c'est très important. Bien qu'il n'y ait de soi que pour un moi, et il n'y ait pas de moi sans la dictée d'un soi, comme je l'appelle. On va y revenir, Paul Audy, ouais. Mais avant, je voulais rappeler le principe de l'émission, qui est qu'un scientifique, votre serviteur en l'occurrence, s'entretient avec un autre scientifique, ou avec un philosophe, un artiste, un historien, un géographe, un marcheur, un alpiniste, un écrivain, voire un économiste. Et en général, on y parle de science dans cette émission, au moins un peu. J'attends de vous que vous m'appreniez beaucoup de choses. Justement, je vous ai invité pour tenter une aventure singulière, au sens où vous, dans vos ouvrages en tout cas, vous ne parlez jamais de science. Vous travaillez, on pourrait dire, dans l'envers de la science. Vous examinez les questions pour lesquelles la science n'est d'aucune aide, des questions métaphysiques, esthétiques ou éthiques. Alors j'imagine que vous n'avez rien contre la science, vous n'êtes pas anti-science, mais vous êtes, à mes yeux, une sorte d'antiparticule de la science qui œuvrerait dans son ailleurs, dans ses ombres, dans son purgatoire. je ne traite pas de science pour une raison précise, c'est que je n'ai pas vraiment accès à elle, si vous voulez. Je n'ai accès à elle qu'à travers des ouvrages qui sont eux-mêmes des ouvrages de vulgarisation scientifique, qui sont souvent écrits par des scientifiques, mais qui, en quelque sorte, me fournissent une information de deuxième main. Donc, je ne me sens pas autorisé, si vous voulez, à parler de la science à partir du moment. C'est pour ça que je suis curieux de savoir où notre conversation va nous mener. Bah, notre conversation, elle nous amènera évidemment à toucher des bords, des frontières, des points d'intersection. Mais je ne m'aventurerai pas du côté de la science elle-même pour la simple et bonne raison que je n'y ai pas accès et je ne prétends pas pouvoir dire quelque chose. En revanche, je sais bien qu'il y a un courant de la philosophie actuelle, représenté par la philosophie analytique par exemple, qui s'intéresse énormément aux sciences cognitives. Mais là aussi, si vous voulez, les philosophes n'ont accès qu'à des résultats de la recherche, mais pas à la recherche elle-même. Et c'est en ce sens-là que je me sens beaucoup plus concerné par la recherche philosophique. Et je me sens autorisé à dire quelque chose au nom de cette recherche elle-même. Sur le plan de la science, je ne fais pas de la recherche. Alors, Polovic, je voulais quand même vous faire réagir à un certain nombre de citations que j'ai pu trouver, par exemple, que j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, d'avoir comme professeur un éminent personnage qui est Victor Weisskopf, grand physicien qui a été directeur du CERN. Et dans les cours qu'il nous donnait, il s'amusait à nous expliquer que, selon lui, la philosophie pose des questions générales et y apporte des réponses limitées, tandis que la physique pose des questions limitées et y apporte des réponses générales. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pertinent ou est-ce que c'est une caricature? J'aimerais simplement que on puisse définir la limitation des réponses qu'apporte la philosophie. J'entends bien ce que cherche à dire Weisskopf. C'est la certitude, elles n'ont pas la même certitude que les réponses scientifiques. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire que il y a quand même quelque chose contre quoi bute la réflexion scientifique, c'est qu'elle utilise des outils, par exemple la catégorie de la causalité. Et cette catégorie de la causalité, si vous voulez, elle a besoin d'une explication qui ne se trouve pas au niveau de la causalité elle-même. Donc c'est la raison pour laquelle elle a toujours besoin d'un surcroît qui lui viendrait du fait qu'elle s'aventurerait du côté de la métaphysique. Alors, il y a d'autres différences entre la science et la philosophie, ou entre la physique et la philosophie. C'est qu'elles n'utilisent pas les mêmes concepts, n'ont pas le même rapport au langage, ne reposent pas sur le même type d'organisation professionnelle. Aujourd'hui, les physiciens se rassemblent autour de vastes projets, ils collaborent au sein de laboratoires ou d'organismes qui peuvent être de très grande taille. Ils écrivent des articles dont le nombre de signataires peut allègrement dépasser la centaine, tandis que les philosophes continuent de suivre des trajectoires très individuelles et tiennent des discours plus habités, au sens où ils sont davantage présents dans ce qu'ils énoncent. Absolument. Et d'ailleurs, dans l'un de vos livres, celui qui s'intitule « Analyse du sentiment intérieur », vous citez José Ortega y Gasset, qui écrit ceci « La philosophie n'a pas besoin, comme la science, de collaboration. Elle ne consiste pas à dire à autrui, mais à se dire elle-même. Elle n'est pas une activité de la société, mais un travail solitaire. Le philosophe est une sorte de Robinson. » Et ce qui est caractéristique, c'est que le Robinson philosophique ne vit pas sur une île déserte, mais dans une île désertée, dont les habitants sont tous morts. Fin de citation. Alors il a effectivement affaire, le philosophe, à une tradition, d'abord, une tradition qui est le réceptacle de nombreux discours. Et son rapport à la réalité, son questionnement de la réalité du réel, et en quelque sorte porté par la médiation d'un certain nombre de discours, et ces discours viennent d'ailleurs ou du passé. Ils ne viennent pas forcément du passé, mais en quelque sorte ils viennent à partir d'une sorte d'absence. Et c'est cette absence qui nourrit ce dialogue de l'âme avec soi-même dont parlait Platon pour définir la philosophie. Alors il y a un philosophe que vous avez largement étudié, vous avez publié à son sujet, et je pense que vous êtes d'accord avec lui, c'est Wittgenstein. Lorsqu'il dit qu'il n'y a aucune continuité entre le projet des sciences et celui de la philosophie, les entreprises de la philosophie sont non seulement différentes mais également indépendantes de celles de la science, Et l'argument principal de Wittgenstein, c'est que la caractéristique d'un problème philosophique, c'est que sa solution ne dépend jamais de l'acquisition d'une connaissance ou d'une information nouvelle, à la différence des problèmes scientifiques, qui avancent parce qu'on trouve des solutions aux problèmes posés. Il écrit par exemple dans ses carnets, « Lors même que toutes les questions scientifiques possibles sont résolues, notre problème n'est pas encore abordé. » Vous êtes d'accord avec ça? Alors, ce qu'il appelle notre problème, c'est les problèmes de notre vie. Alors, les problèmes de notre vie, qui sont très souvent liés au langage que l'on utilise, ce qu'il appelait lui-même les crampes mentales qu'il faut essayer de dissoudre. Ces problèmes-là, effectivement, ne sont pas abordés directement par la science, bien que la science puisse elle-même éclairer la situation de l'homme vis-à-vis de ses propres problèmes. Alors, vous avez raison de dire que ces problèmes sont de nature éthique. Et d'ailleurs, lorsque Wittgenstein écrivait le Tractatus, il l'écrivait au nom d'une partie qui était impossible à écrire et qui relevait justement de l'éthique. Le problème de la vie est un problème d'ailleurs qui ne se résout que justement en traversant l'épaisseur du langage. Et de ce point de vue-là, la philosophie qui a rapport à des discours, eh bien, la philosophie est une manière finalement de situer sa propre démarche à l'intérieur du cercle éthique. Mais est-ce qu'il n'y a pas des situations qui correspondent à ce que Maurice Merleau-Ponty appelait dans son cours au Collège de France des découvertes philosophiques négatives faites par les scientifiques, c'est-à-dire des découvertes qui viennent rouvrir des chemins de pensée et à propos de questions philosophiques apportent des arguments qui obligent à reprendre la question. Certainement. Je pense à la question du temps. D'ailleurs, voilà, bien sûr, la question du temps. Écoutez, songez simplement, par exemple, à la manière dont Bergson s'est senti non seulement interpellé, mais bousculé par les découvertes d'Einstein. Il lui a fallu, en quelque sorte, passer beaucoup de temps à s'expliquer avec elle, essayer même d'une certaine façon de sauver sa propre entreprise par rapport à l'importance et à l'extension de la problématique du temps mise en avant par Einstein. Et donc, de ce point de vue-là, il faut que le philosophe reste à l'écoute de ce qui se passe. Alors, c'est très difficile d'être à l'écoute de ce qui se passe. Prenez un autre exemple qui est celui, par exemple, de philosophes qui se réclament des mathématiques dans leur écriture philosophique elle-même. Un philosophe comme Alain Badiou, par exemple, propose une ontologie mathématique et cette ontologie mathématique ne repose que sur une mathématique qui ne participe pas, si vous voulez, d'une recherche ou d'une invention d'Alain Badiou lui-même. Il hérite, si vous voulez, d'un savoir mathématique qu'il a et qui est incontestable, mais lui-même ne participe pas à la recherche mathématique. Il n'y a aucun mathématicien qui va lire un livre d'Alain Badiou pour avancer dans ses propres recherches. En revanche, l'inverse est vrai. C'est que le philosophe va aller chercher dans les mathématiques quelque chose qui peut correspondre à la formalisation des enjeux qu'il pose dans son travail. Je suis ravi, Paul Audy, que vous parlez d'Alain Badiou, parce qu'il est venu à ce micro, oui, même il y a quelques mois. Mais vous ce n'est pas lui faire injure de non, mais de vous parlez de cela. Dans ce livre que j'ai, dont j'ai cité le titre, et j'ai lu tous les livres, Mallarmé, Celan, vous parlez évidemment de la poésie, de ce qu'est la poésie, de ce qu'elle implique. Et c'est une question qu'Alain Badiou avait abordée dans cette émission en disant que les mathématiques sont à une extrémité du langage et que la poésie est à l'autre extrémité, mais que malgré cette opposition, ces deux formes du langage accèdent à l'universalité. La poésie, a-t-il dit, est ce qui fouille dans le langage pour le contraindre à nommer ce qu'antérieurement il n'arrivait pas à nommer, et donc la poésie s'énonce dans la singularité d'une langue jusqu'à sa limite, jusqu'au hors-langue, alors que les mathématiques procèdent d'emblée de l'extérieur de la singularité des langues. Et c'est parce qu'elles sont à l'extérieur des langues qu'elles accèdent à une forme d'universel. Est-ce que la rigueur mathématique se retrouve, à votre avis, dans la poésie? D'une façon, évidemment, adaptée. Sans aucun doute, de la poésie est un langage rigoureux. Alors, on a une tendance justement à ne pas l'interpréter ainsi, puisque c'est un langage qui se présente comme un langage imagé ou comme un langage porté par un sens figuré, métaphorique, dit-on, mais sa rigueur est entière. Pour rebondir sur le point de vue d'Alain Badiou au sujet des rapports poésie-mathématique, je le rejoindrai très volontiers, mais peut-être que je préciserai de mon point de vue que, en fait, dans les deux, il ne s'agit pas tellement d'être en dehors du langage, mais il s'agit finalement de dissoudre, si vous voulez, les structures du langage qui sont portées par la signification, et de les dissoudre jusqu'au point où, en fait, quelque chose se dégage et qui est toujours propre au langage et qui est le signifiant. Dans les deux cas, si vous voulez, mathématiques et poésie, il y a une volonté de réduire les significations à quelque chose qui est de l'ordre de la lettre. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez dire quand vous citez Jean Baudrillard qui dit « La poésie, c'est le langage lui-même qui prend la parole pour s'y perdre ». Oui. C'est ça que... Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'anéantissement, si vous voulez, des significations dans la poésie. Il y a ce travail où l'on ne se retrouve pas très très bien au niveau du signifié, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et justement la langue elle-même se perd dans ses propres opérations. Et qu'est-ce qui, en tant que philosophe, oui, vous fascine dans la poésie, au point de lui consacrer un ouvrage entier? Alors, je l'ai abordé, si vous voulez, d'un point de vue tout à fait particulier, qui est celui qui structure mes recherches philosophiques et que je désigne du nom d'esthétique. C'est un mot valise qui essaye de dire ce qu'il en est du point de croisement entre l'éthique et l'esthétique. Et alors, ce qui m'a intéressé dans la poésie moderne, c'est que elle commence en un point et elle finit en un autre point. Et je voulais essayer de délimiter l'espace de la poésie moderne, commençant avec Mallarmé et se terminant avec Paul Celan, du point de vue justement d'une esthétique, c'est-à-dire d'une interrogation où ce qui est de l'ordre esthétique est entièrement mesuré et fondé par une exigence éthique. Paul Audy, c'est le moment d'écouter le premier morceau de musique que vous avez choisi, mais avant, vous parlez de Paul Celan. Paul, oui. Celan, c'est l'anagramme du nom de Paul Celan en roumain, qui était Ansel. Absolument. Et comme dans vos livres, vous citez beaucoup Charles Baudelaire, je voulais vous proposer deux anagrammes de Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, ça donne d'une part le labeur de sa chair, ce qui amène à la question du moi, je pense. Et ça donne aussi chaleur de la braise. Mais nous allons écouter le premier morceau de musique que vous avez choisi. Je crois qu'il s'agit d'un morceau de Van Morrison. You can take all the tea in China, put it in a big brown bag for me, sail right round all the seven oceans, drop it straight into the deep blue sea. She's as sweet as Tupelo honey, she's an angel of the first degree. She's as sweet, she's as sweet as Tupelo honey, just like honey baby from the blue. You can't stop us on the road to freedom, you can't keep us, cause our eyes can see men within sight, men in granite. knights in armor bent on chivalry. She does sweet as Tupelo honey. She's an angel of the first degree. She's an angel. She's as sweet as Tupelo honey. Just like honey, baby, from the bee. Paul Le Dix, vous avez choisi ce morceau de Van Morrison. Comment s'appelle-t-il ? Tupelo Honey. Et pourquoi ce choix ? Ben, parce que on m'avait demandé quelques chansons, j'en ai choisi quelques-unes. Celle-là me plaît parce que j'aime Van Morrison, j'aime sa fibre blues, j'aime le fait que ce soit un Irlandais qui est une sorte de troubadour américanisé. C'est quelqu'un qui a une sensibilité que j'aime particulièrement. En plus, il a appartenu à une époque de la culture occidentale qui est celle qui a eu son moment d'efflorescence dans les années 60-70, où les liens avec la contre-culture étaient quand même décisifs. Et aujourd'hui, on n'en est malheureusement plus là du tout. Et nous avons plutôt une culture mainstream tout à fait normalisée. Alors, il y a un peu de nostalgie avec Van Morrison. J'ai l'impression que l'anagramme de Charles Baudelaire, Le labeur de sa chair, vous a beaucoup plu. Ah, ça m'a beaucoup plu. D'autant plus que vous terminez votre livre sur l'analyse du sentiment intérieur en citant Baudelaire, justement, qui dit « Moi, c'est tous. Tous, c'est moi. » Et la dernière phrase de votre livre, c'est « La vérité tient en effet à cet ultime paradoxe. Jamais je ne suis autant toi que lorsque je suis moi-même. » Donc, c'est la conclusion de votre travail sur le moi. On va y revenir. Mais avant que vous développiez votre argumentation, je voulais vous faire réagir à des phrases de Barthes. Oui. Roland Barthes a écrit donc son livre sur la photographie qui s'appelle « Dans la chambre claire » ou « La chambre claire » plutôt. Et il dit ceci « J'ai décidé de prendre pour guide non la conscience de mon moi, mais celle de mon émoi. » Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Est-ce que le moi se donne par les émois qu'il contient ? Alors ça me va tout à fait, si vous voulez, puisque toute l'élaboration que j'ai essayé de faire sur la question du moi, c'est d'inscrire le moi dans une problématique, comment on pourrait dire, affective, pathique ou pathétique. C'est-à-dire que le moi est traversé par un certain nombre d'affects qui, d'ailleurs, en fait un être incarné. Il n'y a pas de moi sans corps. Il n'y a pas de moi sans corps. Il n'y a pas de moi sans corps. Et le corps lui-même, justement, trouve son unification, son unité, non pas dans le fait que ce soit une addition d'organes, mais au niveau de la chair sensible. Et la chair sensible, c'est ce qui se définit comme ce qui s'éprouve soi-même. Alors, toute la question est de savoir, mais que recouvre ce soi-même quand on dit s'éprouver soi-même? Et c'est là que certaines indications peuvent nous venir, par exemple de Nietzsche, j'en parlais tout à l'heure, où Nietzsche dit que c'est le soi qui dicte au moi d'éprouver ce qu'il éprouve et de penser ce qu'il pense. Alors comme on doit parler, c'est le titre de l'émission, des pièces de l'identité, ouais. Il y a quand même cette expérience de la photographie, on regarde, on voit devant soi une photo de soi beaucoup plus jeune, ouais. Et la question est de savoir quel est le lien qui unit celui qu'on a été à celui qu'on est aujourd'hui. Comment le moi s'est transporté depuis le passé? Alors, c'est une grande difficulté, d'ailleurs, de la philosophie. Je peux vous citer Roland Barthes qui dit « La photographie, c'est l'émergence de soi-même comme un autre. C'est une dissociation retorse de la conscience d'identité. » Oui, parce que la conscience d'identité, dans ce cas-là, repose sur une expérience de reconnaissance. Et le moi, si vous voulez, il trouve son unité dans un effort de comparaison entre l'image qu'il a actuellement de lui-même et ce qu'il pense avoir été. Cette problématique n'est pas tellement celle que j'ai essayé d'aborder dans ce livre. D'abord, c'est une problématique assez traditionnelle de la philosophie qui essaye d'inscrire la question de l'unité du moi sur le plan de la mémoire. Ce que j'ai essayé de dégager, c'est que le moi lui-même est fait d'une succession, d'instants d'auto-affection. Et l'unité de cette succession vient du fait que nous nous éprouvons toujours sur un plan. Et ce plan est le nôtre singulièrement, c'est-à-dire que le plan que j'appelle le plan d'immanence et d'impression de la vie est un plan sur lequel le moi est posé. C'est un plan invisible, mais ce plan est forgé justement par l'ensemble des événements éprouvés que le moi rencontre tout au long d'une existence. Il est le fruit d'une histoire, donc. Il est donc le fruit d'une histoire. Mais c'est une histoire très particulière. C'est une histoire qui est celle de l'auto-transformation des affects les uns dans les autres. Et la seule unité à laquelle le moi pourrait prétendre, si ce n'est pas celle de sa mémoire, et d'ailleurs c'est une unité mémorielle qui est tout à fait sujet à caution, puisqu'on peut perdre la mémoire de ce que l'on a été, à ce moment-là on va chercher des traces d'une continuité dans une narration, dans un récit. C'est ce qu'a très très bien étudié Paul Ricoeur par exemple, mais on peut aussi penser que l'unité du moi vient justement de sa position sur un plan qui est le plan de la vie, et que ce plan justement de la vie est tissé, constitué par l'ensemble des épreuves qui sont les siennes. Et ces épreuves elles-mêmes, elles n'ont de consistance que comme une déformation, une transformation d'une autre épreuve. Tout ce que nous éprouvons est finalement éprouvé à la lumière, s'adossant à quelque chose que nous avons déjà éprouvé. Et pour définir, si vous voulez, cela, je me suis servi d'une remarque que Samuel Beckett fait dans son livre sur Proust, justement. Ce livre sur un écrivain qui n'a pas cessé justement de se poser la question que vous avez parfaitement bien formulée. Samuel Beckett dit « L'individu est une succession d'individus ». Alors toute la question est de savoir à quoi se rapporte le deuxième mot « individu » dans cette phrase qui dit que l'individu est une succession d'individus. C'est une succession justement d'épreuve de soi, et cette épreuve de soi, je l'ai appelée sentiment intérieur, d'où le titre du livre. Mais en même temps, il y a quelque chose de curieux. Si je dis j'ai changé, et manifestement j'ai changé, le sujet du verbe changer dans cette phrase, c'est toujours moi. Ouais. Et donc le sujet du verbe changer, c'est précisément ce qui ne change pas dans le fait qu'on dit qu'il change. Ben, c'est le fait justement qu'il y a transformation, et qu'il y a transformation. Mais continuité aussi. Ben, forcément, toute transformation implique justement ce à partir de quoi on se transforme pour justement devenir un autre. Enfin, il y a une sorte de hiatus entre ce dont on part et ce à quoi on arrive. Et par exemple, pour parler de la problématique du moi, que je n'aborde pas dans ce livre-là, mais que j'ai abordé ailleurs dans un autre livre sur l'identité, proprement dite, Eh bien, je pourrais vous répondre que l'identité est celle que nous nous forgeons à partir de quelque chose que nous avons déjà reçu, dont nous héritons. Alors, la différence, c'est que nous appelons ce dont nous héritons ce qui est déjà là, l'appartenance. Nous appartenons toujours déjà à quelque chose qui nous identifie, qui nous désigne. Mais ce qui nous désigne comme ce que nous sommes est aussi ce qui nous assigne à quelque chose. Et à quoi sommes-nous assignés ? À nous approprier ce qui nous a été donné. Et dans ce travail d'appropriation se constitue l'identification du moi. Le moi s'identifie dans un travail incessant. En fait, il y a un processus interminable d'identification à partir de quelque chose qui nous a été donné et que nous éprouvons comme un déjà. Donc, si vous voulez, l'identité elle-même est une identité qui est dynamique. Elle n'est jamais figée. Ce n'est jamais quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de cristallisation. Au contraire, l'identité participe de cette appropriation permanente de ce qui nous est donné au titre de notre être, parce que, en quelque sorte, nous nous éveillons toujours déjà en lui. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors dans ce livre Analyse du sentiment intérieur, Polody, vous rendez un très bel hommage à Michel Henry, oui. Grand philosophe phénoménologue. Oui. Et vous dites à cette occasion, pour devenir soi-même, il faut non pas tuer le père, mais tuer le fils qui réside en soi et auquel on s'identifie toujours d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire que l'héritage doit être retravaillé. Il doit être travaillé, il doit c'est un principe qui fonde la liberté, si vous voulez. Pour se libérer dans quoi nous nous tenons, ben il faut justement se débarrasser d'une trop forte fidélité. En fait, il faut être fidèlement infidèlement fidèle. Il y a quelque chose de cette nature-là dans le devenir soi-même. Et si on n'y arrive pas, on n'a pas d'autre solution que de disparaître, pour devenir soi ailleurs. Alors là, ça me fait très plaisir d'entendre ce que vous venez de me dire, parce que à ce moment-là, on va vraiment converser ensemble. Je ne vais plus répondre à vos questions. Je vais vous en poser. C'est quand même moi le chef. Oui, mais vous avez écrit un livre sur le physicien Majorana. Et cette disparition, justement, est la grande énigme de sa vie. Nous ne savons rien, finalement, de ce qui s'est passé. Nous savons simplement qu'il a disparu. Et ce physicien Majorana, moi-même, je l'ai découvert en lisant Chacha. La disparition de Majorana, son roman. La disparition de Majorana. Et j'ai été absolument fasciné par cette figure historique colossal, et j'ai été enchanté d'apprendre que vous aviez écrit un livre sur lui quelques années plus tard, enfin il y a quelques années que ce livre est paru, et j'ai très envie de vous interroger sur ce qui s'est passé. Bon, Chacha donne une interprétation de cette disparition, c'est une interprétation personnelle à laquelle vous ne semblez pas adhérer. C'est-à-dire que lui, il le place sur le plan du refus de la science. C'est comme si sa découverte des conséquences de la physique et de la physique nucléaire l'amenait finalement à se retirer de la science. Mais se retirer de la science voulait dire pour lui se retirer de la vie. Et c'est ça qui est quand même assez curieux. Parce qu'il aurait pu peut-être suspendre ses recherches. Ou donner l'alerte. Ou donner la lettre. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il a disparu en mars 1938. Il a disparu. C'est-à-dire 8 mois avant qu'on découvre parfaitement par hasard la fission de l'atome. Donc je ne crois pas en effet que Chacha ait raison lorsqu'il dit que Majorana a entrevu les flammes d'Hiroshima, qu'il a deviné qu'il y aurait un jour des bombes atomiques. Personne n'en parlait. Et ces théories nucléaires qui étaient quand même très sommaire à l'époque, ne permettait pas de l'envisager. Oui, mais donc moi, je pense plutôt à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que, évidemment, je ne sais pas si pourquoi il a disparu, pourquoi il a choisi de disparaître, je ne sais pas pourquoi il a mis en scène sa disparition de la façon qu'il a choisi. Je ne sais pas s'il a décidé de disparaître 3 jours avant sa disparition, ou bien si c'est un projet longuement mûri pendant des années qu'il aurait actualisé comme ça brutalement au mois de mars 1938. Mais ce que je pense, en tout cas c'est une hypothèse qui a été formulée par beaucoup de personnes qui se sont intéressées à lui, c'est qu'il refusait de jouer le rôle qu'on voulait lui assigner, le rôle de génie. Et donc il en a beaucoup souffert, et c'est peut-être pour se débarrasser de cette image qu'il n'arrivait pas à accepter finalement, avec laquelle il n'arrivait pas à s'identifier, qu'il a choisi de disparaître de la vue de ceux qui voulaient lui coller cette image. Eh bien, vous voyez, vous rejoignez par cette... C'est une hypothèse, hein. Mais oui, mais si c'est ça le sens de votre interprétation, à ce moment-là, vous rejoignez ce que j'ai essayé de dire. Il lisait beaucoup les pièces de Pirandello, notamment Feu Mathias Pascal, qui est l'histoire d'un homme qui apprend en lisant le journal qu'il est mort. Enfin, c'est une fausse nouvelle. Mais il fait comme si elle était vraie et il choisit de disparaître pour ne plus jouer le rôle que sa ville lui assigne dans la ville qu'il habite. Et il va ailleurs et se rend compte que ailleurs, eh ben, il est toujours accompagné du même moi. Voilà. Et ça ne le libère pas du tout. Et oui. Et donc, nous avons là véritablement le témoignage ou l'attestation de ce que j'appelle la butée sur soi. C'est-à-dire. Qui est le moi. Alors, le moi... Le moi bute sur lui-même. Alors, le moi bute sur lui-même. Il bute sur ce qui le constitue en tant que moi. Et donc, il bute sur soi, puisque le soi, c'est le moi-même, si vous voulez, du moi. C'est l'ipséité du moi. C'est le fait qu'il n'y a pas de moi qui ne puisse être totalement autre que lui-même. Il est en quelque sorte toujours ramené à ce qu'il est. Et c'est cette manière d'être rivé à soi est quelque chose qui provoque à la fois peut-être la plus grande exaltation et le plus grand désespoir. C'est cette tension très très forte, si vous voulez, où le soi est entièrement habité par une dynamique qui est celle à la fois de l'acceptation de soi et de la négation de soi. Dans l'introduction de votre livre, vous dites « C'est ainsi que nous sommes faits et refaits ». Nous sommes tous ainsi faits que nous ne pouvons pas nous refaire, que nous le voulions ou non, ou que nous cherchions ou non à en éviter les conséquences. Il nous faut tout vivre à fleur de peau. C'est ça la butée ? C'est ça la butée. C'est ça la butée. Je vous ai compris, ça me rassure. Oui, mais vous avez compris que de toute façon, tout ce que nous vivons, tout ce que nous éprouvons, tout ce que nous disons est déjà contresigné par une ipséité, un soi. Quelque chose qui nous individualise radicalement. Paul-Olivier, je vais reprendre la main dans l'émission. C'est moi qui vais poser les questions maintenant. Je vais vous interroger sur certaines citations ou certains propos que vous tenez dans ces livres. Par exemple, vous citez, je crois que c'est un philosophe américain, Barnett Newman. Ah non, ça c'est un peintre. Ah, c'est un très peintre. Grand peintre. Ah, excusez-moi. C'est un peintre abstrait. Et vous le citez et il dit « C'est seulement quand l'homme sait où il est qu'il peut se demander « Qui suis-je ? Où vais-je ? » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le moi est toujours quelque part ? Alors, le moi est toujours posé quelque part. Il a un site. Alors, il a un site. Mais ce site, il ne faut pas le confondre avec un site du monde, avec quelque chose qui est placé dans une spatio-temporalité. Ce site est tout à fait particulier. Il est en fait invisible. C'est ce que j'appellerais un plan. Il est posé sur un plan. Et ce plan, il le précède, il l'excède, il est en quelque sorte plus grand que lui, parce que c'est le plan de la vie. Il est posé en tant que chair vivante sur ce plan sur lequel on éprouve chaque chose que nous éprouvons. La reconnaissance de cette position de soi sur le plan est par exemple le grand œuvre d'un auteur qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Si vous lisez... Auquel vous avez consacré votre thèse de doctorat. Exactement. Si vous lisez Les rêveries du promeneur solitaire, qui est quand même un livre extraordinaire, unique, de quoi s'agit-il ? Il s'agit justement d'un homme qui s'est retiré du monde, qui n'a plus de compte à rendre à personne, mais qui en même temps ne va plus éprouver ce qui lui arrive que sur le plan de la vie, d'où l'importance de la cinquième promenade, qui raconte ce séjour à l'île Saint-Pierre où, dans une sorte de parenthèse, une sorte de réduction, une suspension de toutes les déterminations du monde, Rousseau n'a fait qu'une chose, c'est éprouver qu'il était vivant. Et cette épreuve du fait qu'on est vivant, il l'a appelé le sentiment de l'existence. C'est ce que vous appelez, vous, le sentiment intérieur. C'est la même chose ? Alors, c'est la manière dont Rousseau appelle le sentiment intérieur. Alors, il ne le déploie pas, si vous voulez, avec toutes les harmonies que j'ai essayé de déployer à son sujet dans mon livre, puisque justement Rousseau n'est jamais entré dans cette dialectique très particulière du sentiment de l'existence, qui oscille entre un amour de soi et un désespoir, entre cette tension où nous jouissons d'être nous-mêmes et où nous haïssons de n'être que nous-mêmes et nous aspirons à être autre que ce que nous sommes. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Ce qui est possible, en revanche, c'est d'écouter le deuxième morceau de musique que vous avez choisi. Volontiers. Il s'intitule « Elvire » et il est d'Alain Bachung. L'illusion est parfaite, ses yeux, ses touchantes attentions me criblent de rêveries véritables. Je fais comme si c'était pas périlleux, mais ça me rend chiffon de la savoir, hors d'atteinte, hors de moi. Elvire, comment lui en vouloir? Un autre que moi se serait flingué, moi ben. Je sors sans elle, je fais la joie des anges livreurs. En exil, j'excelle au bar parallèle. Mais saura-t-elle ce que j'éprouve à séjourner au sein d'un logiciel? Oui, saura-t-elle ce que j'éprouve? Danse inaltérable, au matin m'atteindront frappés par la ressemblance. Attends-moi, me manque pas, tu me manques déjà. Elvire, nos aubaines traquent l'anguille au gymnase, on s'éparpille aux quatre coins. Simuler, dissimuler, simuler. Ce que j'éprouve à séjourner au sein d'un logiciel, oui, sera-t-elle ce que j'éprouve? Elvire, comment lui en vouloir? Je me tue à t'aimer. Mon archer virtuel n'a d'égal qu'une crécelle de thé de la même virtuosité. Elvire, ce régal, comment lui en vouloir d'être la copie conforme et l'originale? Paul le dit, Elvire d'Alain Bachung, vous avez un mot à dire là-dessus ? J'imagine que oui. Bah écoutez, j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle porte le nom de ma fille, alors je l'aime beaucoup puisque c'est une raison suffisante. Qui me l'a fait découvrir. Je la trouve intéressante parce qu'elle parle de quelque chose qui est une des situations les plus importantes que nous vivons aujourd'hui. C'est notre vie à l'intérieur de la virtualité numérique et la manière dont finalement les rapports humains sont altérés, ils sont transformés. Ils sont transformés pour le meilleur comme pour le pire par cette désignation que fait de nous le numérique. D'ailleurs, vous citez à ce propos Jean Toussaint Dezanti. Oui. Dans un livre qui s'intitule « La liberté nous aime encore », il dit ceci « Si l'entrée dans le virtuel ne fait pas retour au corps vivant, au voisinage, au réel des gens, au plus proche, si les esprits avec lesquels nous entrons en communication par le virtuel prennent la place de notre rapport vivant avec ceux que nous touchons, dont nous voyons la gestuelle, si tout cela s'abîme dans le virtuel, alors l'humanité elle-même est en danger. » Vous êtes d'accord, même si vous n'aimez pas les Cassandres. C'est le dernier mot. C'est le dernier mot de Jean Toussaint Dezanti qui a été mon maître, mon professeur et pour qui j'ai une immense estime. Je pense que le danger est là, que nous devons vivre avec ce danger, que ce danger n'est pas à éradiquer comme tel. Il est au contraire une source de défi pour l'être humain, qui est de s'inventer justement une position existentielle à la hauteur, à la mesure de l'événement qui lui est arrivé, à savoir cette extension du champ numérique qui vient un peu comme la carte par rapport au territoire, recouvrir le territoire entier. Il vient peut-être modifier notre identité, notre moi ? Il vient en tout cas modifier notre rapport au temps. Ça c'est certain. Le rapport au temps a profondément changé par cet accès à l'immédiateté virtuelle. C'est d'ailleurs un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai écrit un livre sur l'amour et je suis persuadé que l'amour lui-même, aujourd'hui, dans sa situation contemporaine, prend une tournure très particulière due à la coprésence du virtuel dans notre vie. Comment cela ? Alors, vous voulez m'entraîner sur ce sujet ? Vous avez écrit sur beaucoup de sujets, on va pas tous les traiter, mais celui-là m'intéresse. Oui, enfin, je pense qu'il intéresse nos auditeurs. J'espère écrire un jour là-dessus, mais en tout cas, je crois que la manière dont nous nous rapportons, par exemple, à l'érotisme aujourd'hui, est en quelque sorte médiatisée, il est infiltré par des images, par des clichés, par des représentations, par des stéréotypes qui viennent d'une accessibilité immense à la virtualité sexuelle. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose qui modifie, en tout cas dans le rapport à soi et le rapport à l'autre, nos représentations de l'amour charnel. Donc, c'est une question qui m'intéresse. Je ne l'ai pas encore analysée comme telle, mais enfin, je pense qu'il mériterait un éclairage philosophique. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Alors revenons au Paul Audy, alors la question du moi ou de l'identité. Je sens à vous lire que vous êtes fasciné par Kafka. Qu'est-ce qui représente pour vous un génie, un homme capable de fulgurance ? Un génie incontestablement, peut-être une des consciences humaines les plus avisées, les plus lucides et les plus aiguës. Qui soit. Kafka, c'est un écrivain absolument extraordinaire. Et c'est aussi un parcours dans la vie qui est tout à fait à la hauteur de sa littérature. Donc Kafka m'a appris énormément de choses. Et je dois dire que je termine mon livre par deux aphorismes de Kafka qui vont eux-mêmes bien plus loin que le peu que j'ai réussi à dire dans ce livre. Alors Kafka, il a un regard sur les photos, en tout cas, qui ressemble à celui de Majorana. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais vous citez, avant de parler des deux aphorismes... Non, je ne l'avais pas remarqué, mais ça me plaît beaucoup. Les deux aphorismes qui concluent votre livre, il y en a un autre que vous citez dès le début du livre, que j'ai lu et qui m'a bouleversé, en fait, sans que je sois capable de dire ce qu'il signifie. Cet aphorisme est le suivant. Dans le duel entre le monde et toi, assiste le monde. C'est magnifique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il faudrait prêter main forte au monde? Il faudrait prêter main forte au monde parce que le monde ne se soutient pas lui-même. Il ne se soutient justement que de nous, que de notre présence. Il se soutient pour, dans sa phénoménalisation, il se soutient de notre présence. Et cela est très important. Il est évident que le monde a existé sans nous. Mais sa phénoménalisation, sa manière d'apparaître, sa manière de se rendre sensible, sa manière de se rendre intelligible, tout cela a besoin justement de nous, mais pas tellement de notre conscience, de la conscience que nous avons de lui, simplement de notre inscription charnelle. Mais est-ce que je fais un contresens si j'interprète aussi cette phrase en disant, oui, finalement, le monde nous est en partie intelligible, oui, notamment par la science, oui, et il ne faut pas oublier les messages qu'il nous envoie de cette façon lorsque nous pensons notre moi. C'est-à-dire, il ne faut pas considérer que nous sommes seuls au monde et pouvons avoir une vie qui est indépendante de ce que nous savons de lui. Ça, ce serait peut-être... Je tire la couverture à moi, là, c'est ça? Ça, c'est peut-être l'inversion même de l'aphorisme de Kafka, parce que on se serait attendu, justement, à cela. C'est-à-dire que, justement, je pense que la grande beauté et la grande étrangeté de cet aphorisme vient du fait qu'on aurait tendance à penser que l'on devrait être soutenu, nous-mêmes, par le monde, par le dehors, par les autres... Mais Kafka dit l'inverse. C'est le dehors que l'on doit soutenir. On doit en quelque sorte être au service de ce dehors, parce que sinon, ce dehors tient en lui une forme de fragilité essentielle qui est de retomber dans le néant. C'est peut-être la définition même de la philosophie. Ça va donc très loin. Alors parfois, vous avez des formules qui me cisaillent. Vous dites, page 63 de votre livre, « Vivre, c'est donc éprouver son propre avènement dans la vie. » Ça veut dire que vivre, c'est pas du tout un acte passif, c'est une sorte d'engagement de tous les instants. C'est une forme d'action. En tout cas, c'est une extra-lucidité, oui, ça c'est sûr. C'est le fait que nous sommes éveillés à nous-mêmes par tout ce que nous sommes. C'est pas une affaire biologique, uniquement. L'acception biologique de la vie, si vous voulez, rend la vie une sorte de courant anonyme, auquel on serait associé, par accident, ce que je ne conteste pas, mais la manière dont la vie se donne à soi est un don anonyme. Bon, alors que dans la phrase que vous avez lue, il me semble très important de se rendre compte que il y a quelque chose qui m'est donné à moi comme moi-même à chaque fois. Vous êtes vraiment à vous entendre et à vous lire quelqu'un de convaincu de cette espèce de réalité du moi. Réalité du moi, non, mais en tout cas réalité du soi, oui. C'est ce que vous appelez l'ipséité. Oui. Mais le moi, on pourra détruire carrément l'idée à partir d'un texte qu'on a tous lu en classe de philosophie, un texte de Pascal, que je rappelle. Oui. Qu'est-ce que le moi, dit-il, enfin se demande-t-il. Un homme qui se met à la fenêtre pour voir les passants, si je passe par là, puis-je dire qu'il s'est mis là pour me voir? Non, car il ne pense pas à moi en particulier. Mais celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté, l'aime-t-il? Non, car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus. Et si on m'aime pour mon jugement, pour ma mémoire, m'aime-t-on, moi? Non, car je puis perdre ces qualités sans me perdre moi-même. Où est donc ce moi, s'il n'est ni dans le corps, ni dans l'âme? Alors, où est-ce qu'il est, en effet? Alors, bonne justement, question. Le moi, comme dit ce texte de Pascal, est un ensemble, un assemblage de propriétés. C'est d'abord cela. Et dans la conscience qu'il a de lui-même, le moi a conscience des propriétés qui le constituent. je suis tel ou tel, je suis beau, je suis laid, j'ai telle corpulence, telle couleur de peau, etc. Le moi se réfléchit et se reconnaît dans un ensemble de propriétés. Et ces propriétés elles-mêmes, elles sont fluctuantes, évidemment, puisqu'elles vont se modifier au cours d'une existence. Et pour autant, ce moi, au-delà des propriétés qui le constituent, se rapporte à quelque chose qui l'entraîne justement à s'identifier à ses propriétés. Et ce qui l'entraîne à s'identifier à ses propriétés, c'est un certain sentiment qu'il a chaque fois de lui-même. Ce sentiment qui fait que il s'éprouve sur un certain mode, une certaine tonalité, et cette tonalité préside justement au choix des propriétés qu'il identifie chaque fois. C'est de cette tonalité que je parle dans ce livre. Que vous concluez par les deux aphorismes de Kafka que nous avons annoncés. Si vous le voulez bien, on va les commenter brièvement. Volontiers. Le premier, qui est quand même assez sibyllin, dit ceci. Il a le sentiment qu'en vivant, il obstrue son propre chemin. C'est dans cet obstacle même qu'il puise la preuve qu'il vit. C'est l'idée de la butée que vous avez évoquée tout à l'heure. Alors là, pour moi, c'est un aphorisme qui identifie la butée sur soi de manière tout à fait exemplaire. C'est un aphorisme qui dit justement que l'attestation du soi ne vient que justement par la butée. C'est en butant sur soi que l'on s'aperçoit que l'on est soi-même. Deuxième aphorisme, enfin le second en l'occurrence, il ne témoigne que de lui-même et n'est preuve que de soi. Tous ses adversaires le vainquent aussitôt, non en le réfutant, il est irréfutable, mais seulement en témoignant d'eux-mêmes. C'est obscur, non ? Non. La seule contestation, si vous voulez, que l'on peut opposer à l'affirmation d'un soi, c'est une autre affirmation d'un soi. C'est ça que dit Kafka. C'est qu'on ne peut absolument pas contester le soi de l'intérieur. On peut simplement le contester par ce que Sartre appellera une négation externe. C'est-à-dire que mon soi n'est pas le soi d'un autre. Un point, c'est tout. Ça va être la conclusion, et d'ailleurs je vais la formuler en reprenant les termes de Rousseau. Il ne faut pas chercher à s'éloigner de soi parce que ce n'est pas possible et que tout nous y ramène malgré que nous en ayons. Merci Paul Audy d'être venu nous rassurer et nous inquiéter sur notre identité. Merci beaucoup Étienne Klein. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Éric Boisset et à la réalisation François Connac. C'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.